السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، le grand savant Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى nous parle dans un chapitre relatif au shirk, au polythéisme, du shirk dans l'adoration. Il nous dit, rahimahullah, وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, quant au polythéisme dans l'adoration, c'est moins grave que ce qui a été mentionné au préalable, c'est-à-dire moins grave que ce qui renie l'existence d'Allah ou ce qui renie l'unicité d'Allah dans la création, dans la gérance, dans la royauté, ou encore ceux qui disent, ceux qui ont comme croyance wahdatul wujud, l'unité de l'existence, c'est-à-dire que tout est Allah et Allah est tout. Ou encore que la lumière apporte le bien et les ténèbres le mal et d'autres mauvaises croyances. Donc le shirk a plusieurs formes. Ibn al-Qayyim nous dit ici, فإنه يصدر مما يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولكن لا يخص الله في معاملته وعبوديته بل يعمل. طيب Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que ce polythéisme dont nous allons parler ici, qui consiste à donner une partie du droit d'Allah Azza wa Jalla à autre que lui, cette forme émane de celui qui croit qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Nul ne peut nuire et profiter si ce n'est Allah. Nul ne peut accorder ou retenir si ce n'est Allah. Il n'y a pas d'autre divinité ni seigneur en dehors d'Allah. Mais le problème est qu'il n'œuvre pas exclusivement pour Allah. Lors de ses actions, lors de ses actes, lors de sa servitude, il donne à Allah, mais il donne également à autrui. En cela, il est polythéiste. En cela, il est polythéiste, car le polythéisme est le fait de donner une partie du droit d'Allah Azza wa Jal à autre que lui. بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة. Cette personne-là œuvre et tantôt il œuvre pour Allah, tantôt à la recherche de ce bas monde, tantôt à la recherche de l'élévation du rang, de l'honneur auprès des créatures. Il ajoute ainsi une part de ses œuvres, est vouée à Allah, une autre part à sa personne et ses passions, une autre encore à Shaytan et aux autres créatures. وهذا حال أكثر الناس وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه رحمه الله الشرك في هذه الأمة أخف من دبيب النملة قالوا كيف ننجو منه يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Ce polythéisme est l'état de la plupart des gens. Ce polythéisme au sujet duquel le prophète alayhi salat wa salam a dit, le polythéisme dans cette communauté est plus subtil que le mouvement d'une fourmi. Comment pouvons-nous en être préservés au messager d'Allah? Il dit, dis, ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose que je sais. et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous parle du polythéisme en utilisant cette figure de style ou cette métaphore ou cette métaphorisation. Il fait ressembler la subtilité du shirk et son caractère caché au pas de la fourmi. Au pas et au mouvement de la fourmi. Subhanallah. Lorsqu'il y a des fourmis autour de toi, tu n'as même pas... tu ne vois même pas la fourmi. Que dire alors de ses pas? Que dire alors de ses mouvements? Tu n'entends pas ses pas, tu ne l'aperçois pas. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le shirk dans la communauté est encore plus subtil et caché que cela. Et ici, on tire deux grandes leçons. La première, c'est la peur du shirk. S'il est aussi caché que cela, on peut tomber sans s'en rendre compte. On peut tomber dedans sans s'en rendre compte. La deuxième grande leçon, c'est l'obligation d'apprendre sa religion. Le bien, mais également le mal, pour pouvoir s'en prémunir. Il faut étudier le shirk, il faut le connaître sous ses différentes formes, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actions. Il faut connaître ses mada, ses formes. Il faut connaître ses différentes parties. Le tout pour le fuir. Le tout pour s'en éloigner. Comme il fut dit, « Araftu sharra la li sharri la kin li tawaqi. » J'ai connu le mal, non pas pour le mal en soi, mais pour pouvoir m'en préserver. Naam. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous alarme. Le prophète alayhi salatu wassalam nous alarme sur la gravité de ce péché, sur sa dangerosité qui réside dans sa subtilité. Farriya ou kullu shirk. Il poursuit en disant, l'ostentation tout entière est du polythéisme. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dans sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal nous dit, selon la traduction des sens du verset, dit: je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique. Que celui donc qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse une œuvre pieuse et n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de mentionner sa nature. C'est un humain, c'est une créature d'Allah, donc il ne mérite pas d'être adoré. Mais aussi, son point distinctif, sa spécificité, sa particularité. Yuha ilay. Yuha ilay. Il reçoit la révélation, c'est donc un prophète, un messager d'Allah Azza wa Jal. On doit l'écouter, on doit le suivre, on doit le prendre pour exemple, on doit l'aimer, on doit le secourir. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la chose par-dessus tout qui lui est révélée? La ilaha illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. On nous mentionne les deux conditions pour que l'adoration soit acceptée chez Allah. Il faut œuvrer sincèrement pour Allah. Et il faut œuvrer en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi Ibn al-Qayyim nous dit: Ay kama annahu ilahun wahid. Wa la ilaha siwa. فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. C'est-à-dire que de la même manière qu'il est une divinité unique et qu'il n'y a pas de réelle divinité en dehors de lui, L'adoration ne doit être vouée qu'à lui seul. Ainsi, puisqu'il est singularisé par la divinité, il doit être spécifié par la certitude, par la servitude. Allah Azza wa Jal est la seule divinité digne d'être adorée. Il n'y a pas d'autre divinité réellement digne d'être adorée en dehors de lui. Donc, on ne doit adorer qu'Allah Azza wa Jal. Et on ne doit se soumettre qu'à lui et lui vouer la servitude uniquement à lui seul, sans associer. Et l'action pieuse est l'action qui est madha, qui est dépourvue de toute ostentation et qui est faite en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les invocations de Omar ibn al-Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. Wallah, fait que l'ensemble de mes œuvres soit sincère et fait que mes œuvres soient uniquement, exclusivement pour ta face et fait en sorte qu'il n'y ait aucune part pour qui que ce soit dedans. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل. Le polythéisme dans l'adoration annule la récompense de cette action. وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. Il se peut qu'il reçoive une punition pour ce péché si cette action était obligatoire. C'est-à-dire s'il fait une œuvre obligatoire et qu'il associe Allah Azza wa Jal dans cette œuvre, il perd la récompense et en plus de cela, il mérite une punition car il a délaissé une obligation. C'est comme s'il n'avait pas œuvré. فَإِنَّهُ يُنزِلُ مَنْزِلَةَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْهُ فيعاقب على ترك الأمر فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة. Car certes Allah, lorsqu'il nous a ordonné de l'adorer, il ne nous a ordonné que l'adoration sincère, celle qui est purifiée de tout polythéisme. Il nous dit dans son livre, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah exclusivement d'un culte sincère. فَمَنْ لَمْ يُخْلِصْ لِلَّهِ فِي عِبَادَتِهِ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ. Ainsi, celui qui ne voue pas un culte exclusif à Allah n'aura pas accompli ce qu'on lui a demandé. بَلْ لَذِي أَتَى بِهِ شَيْءٌ غَيْرُ الْمَأْمُورِ بِهِ. Au contraire, il aura fait une chose qui ne lui a pas été demandée. فَلَا صِحُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ. Ainsi, il ne sera pas valide ni accepté de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte l'imam muslim, Allah le Très-Haut dit, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَ يَعْنِي الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعْيَ فِي غَيْرِتْ فَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah le Très-Haut dit, je suis celui qui se passe le plus qu'on lui associe quoi que ce soit. Celui qui œuvre et associe autre que moi en cela, cet acte sera pour celui auquel il m'a associé. Et je m'en exempte. Donc on voit ici dans ce hadith qu'Allah Azza wa Jal n'accepte que ce qui est sincèrement accompli pour lui. Tu es le serviteur d'Allah. Tu dois adorer Allah pas comme toi tu le souhaites, mais comme lui l'a commandé. Comme lui l'a commandé. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre que le polythéisme est de deux sortes. Il y a al-shirk al-akbar et il y a al-shirk al-asghar. Il y a le polythéisme majeur, wa huwa kullu shirkin atlaqahu shari' wa lam yakun wa kana mutadhamminan li khuruj al-insani 'an dini. Amma al-shirk al-asghar fa huwa kullu shirkin atlaqahu shari' wa lam yakun mutadhamminan li khuruj al-insani 'an dini. Le polythéisme est de deux sortes, le majeur et le mineur, le grand et le petit. Le polythéisme majeur, c'est tout polythéisme mentionné dans les textes ayant pour conséquence l'exclusion de la personne de l'islam. Quant au polythéisme mineur, c'est tout polythéisme mentionné dans les textes, mais n'entraînant pas l'exclusion de la personne de l'islam. Et lorsqu'on dit le grand et le petit, lorsqu'on dit le majeur et les mineurs, ça ne veut pas dire que ça n'est pas grave, le polythéisme mineur et le petit polythéisme. Non, c'est juste pour faire la distinction. C'est juste pour faire la distinction dans les différents jugements et les différentes conséquences. Dans les différents jugements et les différentes conséquences. Le majeur fait sortir de l'islam et annule l'ensemble des œuvres de celui qui décède dessus. Quant au mineur, il annule que l'acte dans lequel il a été mêlé. Il n'annule pas l'ensemble des actions du serviteur. Et si la personne entre en enfer, elle ne s'y éternisera pas. Quant au polythéisme majeur, celui qui décède dessus s'éternisera en enfer, puisse Allah nous en préserver. Parmi les exemples de polythéisme majeur, il y a الشرك بالله في المحبة والتعظيم أن يحب مخلوقا كما يحب الله فهذا الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Parmi les sortes de polythéisme majeur, il y a le fait d'aimer autre qu'Allah comme on aime Allah. Et dans le verset, parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. En les aimant comme on aime Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Quant à ceux qui ont la foi, ils aiment Allah d'un amour plus fort. Pourquoi cela? Car ils n'ont pas partagé cet amour entre Allah Azza wa Jal et Mada et les fausses divinités. Et les fausses divinité. Et les gens du polythéisme, diront à leur fausse divinité, comme Allah le mentionne dans Surat al-Shu'ara, Tallahi in kunna la fi dalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Par Allah, nous étions vraiment dans un égarement évident lorsque nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Allahu Akbar. Ils reconnaîtront, lorsqu'ils sortiront de l'ivresse, qu'ils étaient dans un profond égarement. Et c'est bien connu qu'ils n'ont pas rendu ces fausses divinités les égales d'Allah Azza wa Jal dans la création, dans la subsistance, dans le fait de donner la vie, dans le fait de donner la mort, dans la royauté, dans la capacité. Non, mais dans les formes d'adoration, dans la servitude, dans l'amour, dans la soumission. Et ça, c'est le summum de l'ignorance. Comment pouvons-nous, yani comment pourrions-nous élever la poussière au niveau du Seigneur des créatures? Comment pourrions-nous élever l'esclave ou le serviteur au niveau du Seigneur, du maître des serviteurs? Comment pourrions-nous rendre égal celui qui est pauvre de par essence à celui qui est riche par essence? Celui qui est pauvre, besogneux et faible par essence, impuissant et indigent, dont l'essence n'est que néant, comment est-ce qu'on pourrait rendre ce dernier égal à celui qui est par essence riche, puissant, qui a le pouvoir, le royaume, la science, la miséricorde, la perfection totale? فكيف يسوى التراب برب الأرباب وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه ووجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Est-il une injustice plus abominable que celle-ci? Est-il un jugement plus inique que celui qui consiste à se détourner de lui pour les créatures? Comme Allah nous le dit dans Sourate, au début de Sourate Al-An'am, sur la traduction des sens de ce verset, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, qui a créé les cieux et la terre, a établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, ceux qui ont mécru donnent des égaux à leur Seigneur. Le polythéiste a donné pour égal à celui qui a créé les cieux et la terre, établi les ténèbres et la lumière, celui qui ne possède rien pour lui-même ni pour autrui, ni même le poids d'une petite fourmi dans les cieux ou la terre. Malheur, ou plutôt, فَيَلَكَ مِنْ عِدْلْ تَضَمَّنَ أَكْبَرَ ظُلْمٍ وَأَقْبَحَ. Malheur à lui pour cette correspondance qui comporte la plus grande et la plus immonde des iniquités. Ça, c'est la pire des injustices. Allah dit encore « Anina shirka la zulmun azim ». Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Ce shirk-là annule toutes les œuvres. Allah dit dans le Coran « Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la ahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. » Il t'a été révélé, c'est-à-dire au toi le messager d'Allah, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les prophètes et messagers. Si tu commets le shirk, toutes tes œuvres deviendront vaines et tu seras du nombre des perdants. C'est plutôt Allah qu'il faut adorer et soit du nombre des reconnaissants. Ibn Baz, rahimahullah, dit, et la plus grande reconnaissance est At-Tawhid. Le shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Par la suite, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre que le polythéisme peut être fait dans les œuvres, il peut être dans les paroles, dans les volontés, dans les intentions. فَالشِّرْكُ فِي الْأَفْعَالِ كَالسُّجُودِ لِغَيْرِهِ وَالطَّوَافِ بِغَيْرِ بَيْتِهِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ بِعُبُودِيَّةٍ وَخُضُوعًا لِغَيْرِهِ وَتَقْبِيلُ الْأَحْجَارِ غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. Parmi les formes de polythéisme dans les œuvres, il y a le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, ou faire le tawaf, la circumambulation autour d'autres que la Kaaba, d'une autre chose que la Kaaba. Celui qui fait le tawaf autour d'une autre chose que la Kaaba aura associé Allah Azza wa Jal, que ce soit une tombe ou autre chose. Le fait de se raser la tête en signe de servitude et de soumission à autre qu'Allah Azza wa Jal, le fait de se raser la tête pour une adoration n'est que dans les rites du pèlerinage ou de la Umrah. Quant à ce qui était fait ou ce qui est fait chez certains égarés parmi les adeptes du soufisme qui se rasent la tête lorsqu'ils se repentent devant le shirk ou autre, ça c'est du shirk, iyadan billah. Le fait d'embrasser les tombes, le fait d'embrasser autre que le Hajar al-Aswad pour se rapprocher d'Allah Azzawajal, c'est du shirk. Comme ceux qui prennent en lieu de prière et de commémoration les tombes des pieux, ça c'est du shirk, iyadan billah. Et le prophète alayhi salat wa salam a maudit. Le prophète a maudit ceux qui prennent les tombes des gens pieux en lieu d'adoration, même s'ils viennent pour adorer Allah Azzawajal, parce que c'est une cause pour tomber dans le shirk akbar. Et c'est un appel au polythéisme majeur, car l'islam a préservé le tawhid, mais aussi les limites du tawhid ont été sévèrement délimitées. Le prophète alayhi salat wa salam a maudit celui qui prend les tombes des prophètes et des gens pieux en lieu de prière. Que dire alors de ceux qui prennent les autres mada, les autres yani les idoles, les statues et autres, et les adorent en dehors d'Allah Azzawajal? Le prophète alayhi salat wa salam nous a sévèrement avertis contre le fait d'exagérer sur les gens pieux, que ce soit dans les éloges, que ce soit dans la considération, que ce soit dans l'amour, que ce soit mada après leur mort, sur le fait de venir auprès de leur tombe. Tout ceci pour préserver le tawhid et nous éloigner des causes menant au polythéisme. Car avant, lorsqu'une personne pieuse mourait, on construisait sur sa tombe. On se recueillait sur sa tombe. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit que ce sont les pires des gens le jour de la résurrection chez Allah. Si cela est pour celui qui se prosterne pour Allah auprès de cette tombe, que dire de celui qui se prosterne pour autre qu'Allah azza wa jal? C'est tellement grave que le prophète alayhi salat wa salam a fait dua. Allahumma la taj'al qabri wathanin yu'bad. Ou Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qui sera adorée. Ne fais pas de ma tombe une idole qui sera adorée. Le prophète sallallahu alayhi wa salam a préservé le monothéisme de la plus grande manière qui soit. À un point tel qu'il a interdit la prière recommandée pour Allah au moment du lever et au moment du coucher du soleil. Au lever et au coucher du soleil. Pourquoi? Parce que dans cela, il y a une ressemblance à ceux qui adorent le soleil ou adorent le diable. Le soleil se prosterne entre les cornes du shaitan. Donc l'adoration qu'Allah aime nous a été interdite si dans cela il y a une cause éventuelle pour tomber dans le polythéisme. Pour tomber dans le polythéisme. Quant au fait de se prosterner pour autre qu'Allah Azzawajal, le prophète alayhi salat wa salam nous dit « La yambari li ahadin an yasuja li ahadin illallah » Il ne convient de se prosterner que pour Allah. Il ne convient de se prosterner que pour Allah. Ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit « La yambari » il ne convient pas, dans la parole d'Allah ou du prophète alayhi salat wa sallam, cela signifie la plus haute interdiction religieuse. C'est pas comme dans notre langage courant. Non, quand on dit l'ayanbari, c'est-à-dire que cette interdiction est la plus haute interdiction religieuse qui soit. On a dans le Coran wa ma yanbari lirrahmani an yattakhidha walada. On a dans le Coran wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbari la. Il ne convient nullement au miséricordieux d'avoir un enfant. Nous, on a également, nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Ce ne sont point les diables qui sont descendus avec, c'est-à-dire ce Coran. Cela ne leur convient pas et ils n'auraient pu le faire. وَقَالُوا سُبْحَانَكَ أو قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا. Les anges dirent, exempt soit, yani, Naam, exempt sois-tu, il ne nous convenait nullement de prendre d'alliés en dehors de toi. Après avoir parlé du shirk dans les actes, parlons du shirk dans les paroles. Kal halif li ghayri, bi ghayri, comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Cette calamité, cette maladie répandue. Cette maladie répandue. C'est chez ceux qui n'ont pas été bercés dans le tawhid. Le fait de jurer par la tête de la mère, de la grand-mère, d'un tel, le fait de jurer sur la Mecque, le fait de jurer sur la tombe du grand-père et un tel, et tout ce qu'on a pu entendre, tout cela est du shirk. Tout cela est du shirk. Le prophète alayhi salatu wa salam dit man halafa bi ghayri illah faqad ashrak, celui qui jure par un autre qu'Allah aura commis un acte de polythéisme. Parmi le shirk dans la parole, le fait de donner un égal sur la langue dans la volonté à Allah en disant mashallah wa shi'at, c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. Le prophète alayhi salatu wa salam ayant entendu cette phrase s'est exclamé aj'altani lillahi nidda, m'as-tu donc rendu l'égal d'Allah? Bel masha'Allah wahda, c'est plutôt ce qu'Allah seul a voulu. Donc, tu n'as pas le droit de dire masha'Allah wa shi'at, de donner un égal à Allah dans la volonté, même si c'est juste sur la langue et pas dans le cœur. Tout comme celui qui jure par Allah Azza wa Jal, c'est sur la langue, pas dans le cœur. Il jure par autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est sur la, plutôt, c'est sur la langue et pas dans le cœur. Parce que si ça avait été dans le cœur, il met l'égal d'Allah Azza wa Jal dans son cœur et immensifie la créature comme il immensifie Allah. Là, ça passe au niveau du polythéisme majeur. Wal'iyadu billah. Pourtant, le serviteur a une volonté, mais elle suit. Mais elle suit la volonté du Seigneur des mondes. Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Donc, nous avons une volonté. Nous avons un libre arbitre. Mais, pour celui d'entre vous qui souhaite suivre le droit chemin, et vous ne pourrez le vouloir, sauf si Allah le veut, Seigneur des mondes. Que dire alors de ceux qui disent « Tawakkaltu ala Allahi wa alayk »« Je compte sur Allah, lui abandonne mon affaire ainsi qu'à toi, ainsi que sur toi. » Non. On ne doit pas dire « je compte sur toi, j'ai confiance pleinement en toi, j'abandonne mon affaire à toi. » Yani, ça, c'est une chose qu'on donne que pour Allah. C'est une action du cœur. C'est une action du cœur, et le cœur, il est voué à Allah Azza wa Jal. Donc, on fait attention à certains termes. Certes, le terme « at-tawakkul » est plus... englobe plus de choses que la simple confiance. J'ai confiance en toi, dans le sens tu es une bonne cause, tu es quelqu'un de mada, de digne, de respectable, qui ne trahit pas. Ça, la rigueur. Mais je compte véritablement sur toi, en abandonnant mon affaire à toi, en plaçant tous mes espoirs en toi. Ça, c'est tawakkul. Ça ne se donne qu'à Allah Azza wa Jal. Donc il faudrait une étude de la langue française sur ce terme-là. Je compte sur toi. Ça semble être le terme le plus proche du tawakkul. Ça semble être le terme le plus proche du tawakkul. Il faut donc étudier et disséquer ce terme-là, puis il l'exposait au savant pour voir si le mieux est de le délaisser ou l'obligation. Ou ceux qui disent Ana fi hasbillahi wa hasbik, je m'abandonne à Allah et à toi. Wa maliya illallah wa ant, je n'ai personne si ce n'est Allah et toi. Et ceci provient d'Allah et de toi. Tout cela, c'est du shirk sur la langue, il faut le délaisser. Ceci fait partie de la bénédiction d'Allah et de la tienne. Non, la bénédiction ne vient que d'Allah Azzawajal. Seul Allah peut bénir une chose. J'ai Allah dans les cieux et j'ai toi sur la terre. Ou bien. Wallahi wa hayati fulan, par Allah et par la vie d'un tel, tout cela est à délaisser. Ou je fais un serment pour Allah et pour un tel. Ou ana ta'ibun lillahi wa li fulan, je me repens à Allah et à un tel. Ou bien wa arjullah wa fulan, j'espère en Allah et en un tel. Le fait de dire et, c'est du shirk lafzi. Et pour certains termes, desquels nous avons une connaissance qu'il y a une partie adoration et une partie qui n'est pas adoration, nous pouvons dire Allah puis un tel. Puis un tel. Certaines personnes, lorsqu'elles disent une mauvaise parole et qu'elles sont reprises, corrigées, conseillées, blâmées même, tentent de se défendre et polémiquent en disant « Non mais moi, je n'ai pas voulu dire ça. Non mais moi, mon cœur est pur. Non mais Allah sait mon intention. » Certes, tout comme Allah Azzawajal nous a ordonné de purifier nos intentions, c'est celui qui nous a ordonné de purifier nos langues des mauvaises paroles. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida, craignez Allah et dites de bonnes paroles. Des paroles droites, justes. Donc on doit accepter le conseil. On ne doit pas s'enorgueillir face au conseil. On doit accepter le conseil et corriger la parole lorsqu'elle est mauvaise. Et dire astaghfirullah puis remercier la personne. Le compagnon, lorsqu'il a dit cette parole, masha'Allah wa shi'it, au prophète alayhi salatu wa salam, ou certains compagnons lorsqu'ils ont juré pour parole qu'Allah Azzawajal avant d'entendre le conseil. Est-ce qu'on peut pas penser des compagnons qu'ils avaient une mauvaise intention? Certainement pas. Mais lorsque la parole n'est pas bonne, on la corrige. Et celui qui est corrigé se doit de se corriger. On a trop cette maladie-là. Nous avons trop cette maladie-là, le fait de polémiquer, le fait de tenter de se sortir du problème par des faux arguments. Tout ça pour quoi? Qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Rien si ce n'est exposer cet orgueil qui était caché, qui peut être dans la créature, mais le fait de l'exposer est une indécence. Le fait de l'exposer, c'est un manque de noblesse, de piété. Même si l'obligation est de s'en défaire et de s'en purifier. Donc il faut s'éduquer sur cela. On te corrige, tu as une mauvaise parole. Barakallah fik, jazakallah khayran. J'ai été distrait. Astaghfirullah. Alhamdulillah, puisse Allah m'aider à corriger cela. Voici ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de dire. La personne qui tente de s'en sortir, par autre que la voie du salut, la voie de la vérité, elle rentrera dans une case. Pour se sortir de cette case, elle rentrera dans une autre case. Pour sortir de cette troisième, et ainsi de suite. Et ça sera un cercle vicieux. Ça sera un cercle vicieux jusqu'à ce que ça l'entraîne dans le mensonge. Elle dira, je n'ai jamais dit ça, et je n'ai pas dit ça, et tu m'as mal compris, et... A'oudhu billah. Subhanallah, cette personne qui t'a reprise. Qu'elle soit véridique ou pas, qu'elle cherche ton bien ou pas, à partir du moment où elle a mis le doigt sur une chose qui est mauvaise, purifie-t'en. بارك الله فيكم. ونسأل الله يعيننا على أنفسنا. Et on demande à Allah de nous aider contre nous-mêmes. Donc on retient que l'adoration qui est prise et donnée à autre qu'Allah Azzawajal, c'est du polythéisme. C'est du polythéisme. Et pour savoir, il nous faut étudier ce qu'est l'adoration. Il nous faut connaître les différentes formes d'adoration. L'adoration, c'est un nom général de tout ce qu'Allah aime et agrée. Comme parole et action, apparente ou cachée. Comme la prosternation, comme l'amour, la crainte, l'espoir, comme le hajj, comme la zakat, comme le dhikr, comme la lecture du Coran, comme la demande de pardon, comme le fait de sacrifier la bête, comme le fait de faire un vœu, un serment, comme le tawaf autour de la Kaaba, et ainsi de suite. Tout cela ne convient qu'à Allah, le Seigneur des mondes. Ni à un prophète envoyé, ni à un ange rapproché. Passons au polythéisme dans les volontés et les intentions. Ce shirk-là est un des shirks les plus dangereux, car très subtil et difficilement contrôlable. Et en général, ceux qui se sentent à l'abri du shirk tombent dans ce shirk-là. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala vient matérialiser ce shirk et vient nous effrayer de tomber dans ce shirk. Vient métaphoriser ce shirk en le comparant à la mer. Mais pas n'importe où dans la mer. Amma shirku fil iradati wan niyyat fadhalika al bahru alladhi la sahila la wa qalla man yanju min. Allahu akbar. Puisse Allah récompenser notre cher cheikh et enseignant qui nous a enseigné cette parole dans l'étude de Kitab al-Tawhid. Il nous a grandement sensibilisé sur le shirk dans An-Niyat ou Al-Iradat. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, quant au shirk dans les volontés et les intentions, voici la mer dépourvue de côtes. Tu vois, lorsque tu es au milieu de la mer et que tu ne perçois même plus les côtes, tellement que tu es loin, Ibn al-Qayyim a fait ressembler le shirk dans l'intention à cette situation-là. C'est la mer, mais pas de n'importe quel endroit. Du milieu, la mer de laquelle l'endroit duquel tu ne perçois même pas les côtes. Celui qui tombe à cet endroit-là, ceux qui tombent à cet endroit-là, quelle est leur probabilité d'en être sauvés? Ibn al-Qayyim nous dit, rarissimes seront ceux qui s'en sortiront. من أراد بعمل غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نياته وإرادته. Celui qui a recherché à travers son adoration autre qu'Allah et a souhaité se rapprocher d'autre que lui en recherchant une récompense auprès de lui, voici celui qui est tombé dans le shirk dans l'intention et la volonté. Quant à la sincérité, al-ikhlas, an yukhlisa lillahi fi aqwali wa af'ali wa iradati wa niyyati. Wa hadhihi al-hanifiyya, millatu Ibrahim, allati amara Allah biha 'ibadahu kullahum. Ibn al-Qayyim nous dit, la sincérité, c'est le fait d'adorer que Allah seul d'un culte sincère, que ce soit dans les paroles, dans les actions, dans les volontés, dans les intentions. Et c'est cela, al-Hanifiyya, la voie d'Ibrahim, alayhi salam, qu'Allah nous a ordonné de suivre, ainsi qu'à l'ensemble de ses serviteurs. Allah n'accepte d'autre voie si ce n'est celle-ci. Et c'est cela qui est la réalité de l'islam. Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, ceci ne sera pas accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Voici la voie d'Ibrahim. Voici la religion d'Ibrahim, dont ne s'écarte que celui qui est le plus grand des sots. Al-Tawhid, c'est ça qu'est Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya, c'est le fait de se diriger exclusivement vers Allah et de se détourner de tout autre que lui. D'aimer Allah par-dessus tout, comme l'a fait Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, c'est l'imam des prophètes. C'est le père des monothéistes. C'est le grand guide. La communauté à lui seul, alayhi salam. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ Puis il t'a été commandé, puis il t'a été révélé de suivre la voie d'Ibrahim. C'est ça la voie d'Ibrahim, c'est le Hanifiya, c'est le fait d'adorer Allah, mais seul d'un culte sincère. Pas Allah avec lui autre que lui. C'est la ilaha illallah, c'est le tawhid, c'est l'islam, c'est l'ikhlas. C'est ça le Hanifiya, la voie d'Ibrahim alayhi salam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, pour nous parler de la réalité du shirk maintenant, « إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب أو الجواب عن السؤال المذكور فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب حقيقة الشرك والتشبه بالخالق والتشبه للمخلوق به هذا هو التشبيه في الحقيقة لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسوله ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit après avoir pris connaissance de cette introduction s'entrouvrira devant toi la réponse à la question mentionnée ainsi nous disons et c'est d'Allah seul que nous recherchons la justesse l'essence du polythéisme consiste en l'imitation du créateur et l'assimilation de la créature à lui c'est là le véritable anthropomorphisme Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit la réalité du shirk, c'est le fait d'établir une similitude entre la créature et le créateur, d'élever la créature au niveau du créateur et de rabaisser ta'ala Allah, le créateur au niveau de la créature, en faisant ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire établir une similitude entre les attributs du créateur et les attributs de la créature, ou les attributs de la créature aux attributs du créateur. Et l'anthropomorphisme, c'est cela, et non pas le fait d'affirmer les attributs de perfection qu'Allah s'est affirmé lui-même, ou pour lui, à lui-même, ou lui a affirmé le prophète, alayhi salatu wassalam. Contrairement à ceux dont la... contrairement à ceux qui ont inversé les choses et dont le cœur a été retourné. Na'am, ce qu'Allah azza wa jalla a aveuglé. Pour eux, le monothéisme, c'est le fait de renier les noms et les attributs d'Allah. Et pour eux, le polythéisme, c'est le fait d'affirmer les noms et les attributs d'Allah. Iyadan billah. Nous arrêtons sur cela. Inch'Allah ta'ala, on poursuivra la semaine prochaine. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala va nous détailler la réalité du polythéisme. Et les spécificités du Créateur qui lui reviennent de droit, comme la divinité, l'adoration, comme la perfection absolue. Na'am. Ainsi, il nous montrera la cause. Et ici, on sait que c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah le seul maître, le propriétaire. Comment se fait-il que la plupart des créatures d'Allah soient tombées dans le polythéisme. Quelle est la clé de cette question-là? La clé de ce coffre qui, s'il est connu, permettra aux serviteurs de se préserver de s'éterniser dans les abîmes d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver de cette demeure dernière. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alameen.